miso me pungu buka balimbai kaloba maweki no bito matole na babo esongo etele na babo miso me pungu buka balimbai diae yae oh agomi meso mbana nikwese mito marame diae Abomi, c'est l'auto de cousino, eh. Abomi, c'est l'auto de cousino. Bana abomi, c'est l'auto de cousino, eh. Gaende munyango, eh. Apule nende, eh. Gaende jombalongo. Abomi, ba, c'est notre de cousino, eh. Abomi, ba, c'est notre de cousino. Bana abomi, ba, c'est notre de cousino, eh. Tuna cha, tuna cha, tuna cha, tuna cha.